croyais que le rap existait pas à mon thème. Qu'aucun rappeur ne pourrait sortir de ce que dans cette putain de ville le moche lui déboule sur 8 pistes. Alors calme-toi, mets du son et prends-en de la graine. Hargneux, militant et avant tout MC. Ok, ok, ok. J'entame sans couvert, chez moi pas de sang faux frère. À la messe prod, usine à rimes sévères, alimentée par des cendres d'enfer. J'ai la voix glauque, ma feuille immaculée de pro. Je te propose une tracklist, un univers rempli de bouse et de roses. J'ai pris la peine d'écrire à l'aube de l'année 2010 un street album qui compte faire autant de boucan qu'un de demi. J'suis pareil que les autres, j'écris sous joie et pack. Mais je la roue, mais face au mal comme un cœur recevant un impact. Le rap c'est logique dans tes étangs et d'un monde de taré. Une joute verbale, un vieux moral, un beat et me voilà paré. J'te jure dans nos rues, le bordel, y'a trop de gars cramés. J'aime ça, mais je suis pas fou. Je fais partie de ces gars cramés. Foutez-moi la paix, je suis défendeur de la cojus. Pas des fonds, des vrais comme cette contestataire du courju. Ce qui est sûr, c'est que j'ai pas la gueule de l'emploi. Mais dis-moi que tu kiffes et mets ce que gratos je te l'envoie. Ok, ok, moche. On va remettre ça. Alors accroche-toi. Ok. J'entame mon deuxième 16 et je pense à toi qui m'écoute. Je te dégoûte, tu aimes, j'entends ici ta tête sur le mur qui donne des coups. Au mic, je suis un virus qui prolifère à grande vitesse. La nuit, je suis un jeune qui adhère au clan d'ivresse. J'ai la rime qui blesse comme un bon coup de genou dans le pif. Une phrase de slip, Camille, moi je kiffe fumer la fumée de mon spliff. Je suis pas le roi du texte, ni même des métaphores. Mais je sais qu'au fond de moi, je peux devenir méga fort. Tâchons d'être clair, le rap est un bon moyen d'expression. Aucune transition n'est possible avec moi pour du pognon. Je n'ai qu'un nom, qu'un blase et surtout qu'une seule parole. J'aime ce que je fais, mes influences ne seront jamais tes idoles. Il ne faudrait pas salir un art à ce jour reconnu. Une machine à fric, voilà ce que reflète tous ces trucs. Ma patience foutue en l'air, la hache je la déterre. Pour montrer à tout le monde que n'importe qui sur CDR peut être guerre. Pour faire ma place dans la file, j'attends pas la réussite. Mais sur midi-toi pour approfondir le rap que toi tu visites. Je souhaite faire rentrer ton cerveau en état d'ébullition. De concentration, que tu comprennes, que j'irai au bout de l'action. Le style fait la mine grasse, j'écris sur papier déchiré. Des festins de rimes lasses, de décrets à rap nourri de billets. Une fourmilière je dirais, là où tout le monde veut faire son beurre. Aujourd'hui à l'heure que les jeunes acceptent de bouffer à toute heure. Bref, fais comme tu veux, entre les mains t'as une pièce unique. Un disque plein de couleurs, le même rendu qu'une fraise sur brique. Alors voilà, sur frère, je te laisse apprécier le résultat. Bonne écoute à toi, sache que tout au long je suis resté moi.